Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien et on va commencer l'émission en apportant notre bol aux commémorations du bicentenaire de la naissance d'Anton Bruckner. Anton Bruckner, né en 1824, compositeur autrichien, auteur de 9 symphonies tentaculaires magnifiques et qui vécut principalement à Linz et à Saint-Florian, monastère. Il était d'ailleurs très très religieux, Anton Bruckner, très mystique presque. Il a exercé, à l'instar de Schubert, le métier d'instituteur, pour lequel il était d'ailleurs aussi peu fait que Schubert. Et Bruckner, bien, il est venu à Nancy, figurez-vous, et oui, en 1869, pour l'inauguration de l'orgue de l'église Saint-Èvre. Et il faut dire que l'empereur François-Joseph avait apporté, avait donné de l'argent pour la restauration de l'orgue. Donc, bien, c'était une façon aussi de remercier ce souverain austro-hongrois que d'inviter l'un des plus grands musiciens de l'époque qui était précisément autrichien. Anton Bruckner, c'était un compositeur qui a eu une mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce qu'on le disait un peu niais, génial, mais niais. On raconte que parfois, après une grande interprétation, une belle interprétation de l'une de ses symphonies, il donnait un pourboire au chef d'orchestre comme un cocher en quelque sorte. Donc il avait ce genre de comportement et puis une attirance très prononcée pour les jeunes filles, même à un âge très avancé. Allez, on va passer tous ces détails et on va écouter sa magnifique 4e symphonie, le 3e mouvement, le scherzo, tout au moins un extrait. Symphonie qualifiée de romantique par l'auteur. Et c'est interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Karl Böhm. We'll be right back. extrait du scherzo de la 4e symphonie d'Anton Bruckner, symphonie romantique, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm. Un contemporain de Bruckner, c'est Johannes Brahms, contemporain et parfois rival. Brahms n'eut pas une vie très facile finalement. Il était né à Hambourg, dans un milieu musicien, mais il y avait beaucoup de mésententes dans le ménage des parents. Il a joué dans les tavernes de Hambourg très jeune, il a joué du piano, donc fréquenté le milieu des marins, des prostituées, évidemment, dans les tavernes, c'était un peu cette population qui prenait du plaisir, qui prenait du bon temps. Et puis ensuite, en 1850, il se présente au domicile de Schumann et il va devenir en quelque sorte l'élu de Robert Schumann, qui va déceler en lui un génie de la musique, et il avait raison. Par la suite, Brahms a postulé parfois à divers emplois qu'il n'a pas obtenus. Il a surtout été chef de chœur. Et puis, sur le plan de sa vie privée, il ne s'est jamais marié, vivant un peu d'ailleurs comme son idole Beethoven, vivant en solitaire, se consacrant à la musique, à la lecture, et en même temps un bon vivant qui aimait toute sa vie la bonne chère, qui aima vraiment le bon vin de Moselle, la bonne chère, et puis donc qui profita pleinement de la vie. Et donc Brahms a laissé des symphonies, on le sait, 4 symphonies, des concertos pour piano, 2, un concerto pour violon, et moins connu peut-être les œuvres pour chœur a cappella. Alors voici l'Ave Maria de Johannes Brahms, là encore moins célèbre que celui de Schubert, bien évidemment, ou celui de Gounod. Et je vous le propose chanté par le chœur de chambre d'Europe, dirigé par Nicole Matt. Thank you. L'Ave Maria de Johannes Brahms, interprété par le chœur de chambre d'Europe dirigé par Nicole Matt et Jens Wellenschlager à l'orgue. Les premières œuvres de Beethoven ne jouissent pas d'une très très bonne réputation, sont très peu enregistrées. On les a redécouvertes vraiment depuis quelques décennies. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Alors on se demande bien pourquoi Beethoven n'a pas inclus à son catalogue certaines de ses compositions. Il faut connaître par exemple son concerto pour piano numéro 0. Bah oui, parce que Beethoven n'a pas composé 5 concertos pour piano. Il en a composé 6. Et ce sixième, il n'est jamais joué, quasiment peu enregistré, quasiment pas enregistré. Et pourtant, il a encore beaucoup de qualité déjà dans cette musique. On découvre déjà lui, Beethoven, on peut le déceler. Et parmi aussi les premières compositions de Beethoven, compositions de jeunesse, 3 quatuors avec piano, qui là encore ne sont pas inclus dans le catalogue officiel des œuvres du compositeur. Et on se demande bien pourquoi, parce que ce sont vraiment de très très grands chefs-d'œuvre. D'ailleurs, le Quatuor Amadeus avait enregistré dans les années 70 ses quatuors avec piano de Beethoven. Et je vous propose d'écouter le final du deuxième quatuor avec piano. C'est un rondo allegro. On va l'écouter non pas par le quatuor Amadeus, mais par le Cumming String Trio avec Anthony Goldstone au piano. Thank you. Le rondo final du quatuor avec piano numéro 2 en ré majeur de Beethoven, interprété par Anthony Goldston au piano et le Cumming String Trio. Un peu d'opéra vériste maintenant. Alors qu'est-ce que ça signifie vérisme ? Eh bien, vérisme, c'est un courant de l'opéra qui se situe à la fin du 19e siècle et qui a pour base une certaine vie sociale, le quotidien de tout un chacun, si je puis dire. Alors l'opéra qu'on va écouter, dont on va écouter un extrait, Manon Lescaut, évidemment, ça, c'est pas vraiment vériste en soi parce que ça se passe au 18e siècle, c'est une adaptation à l'opéra du roman de l'abbé Prévost, mais quand même, Puccini est un compositeur vériste, tout comme Chilea, Giordano, Léon Cavallo, Catalani ou Ponchielli qu'on a écouté hier, donc les Italiens principalement. Ce courant de l'opéra pourrait être assimilé en littérature au naturalisme d'Émile Zola, par exemple. C'est à peu près la même époque en plus. Allez, voici un air tiré donc de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, l'air célèbre de l'acte 2 in Quelletrina, chanté par Anna Netrebko soprano, et l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome est dirigée par Antonio Papano. Un air tiré du deuxième acte de Manon Lescaut de Giacomo Puccini avec Anna Netrebko et puis l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, direction Antonio Papano. Et on continue avec Telemann, Georg-Philippe Telemann, né en 1681 à Magdebourg, mort en 1767, ami et contemporain de Jean-Sébastien Bach, ami d'ailleurs au point d'être le parrain de l'un des fils de Bach. Alors la grande époque créatrice de Telemann, c'est lorsqu'il fut pendant plusieurs décennies en poste à Hambourg où il s'occupait absolument de toute la musique de la ville, qu'il s'agisse de la musique sacrée, profane, de l'opéra, de tout. Et il avait une facilité à composer absolument incroyable. Il ne savait même pas lui-même combien il avait composé d'œuvres. Il était incapable de le savoir, tellement il composait tout le temps. Et même s'il n'a pas le génie de Jean-Sébastien Bach ou celui de Handel, c'est quand même l'un des très grands noms de la musique baroque, l'un des très grands compositeurs de cette époque. On va écouter un concerto pour flûte à bec, violon et cordes de Telemann, le final allegro joué par Michala Petri à la flûte à bec, au violon Pinchas Zuckermann et le Saint-Paul Chamber Orchestra. Thank you. Allegro final du concerto pour flûte à bec, violon et orchestre à cordes de Telemann, avec Michala Petri à la flûte à bec, Pinchas Zuckerman au violon et le Saint-Paul Chamber Orchestra. Alors son ami Bach, puisque j'ai dit que Telemann était très très proche de Jean-Sébastien Bach, le voici Bach avec la Pastorale, une œuvre pour orgue BWV 588. Alors d'après les musiciens du groupe Procolarum qui ont sorti ce fameux tube, vous vous souvenez, dans les années 60, A Waiter Chained of Pell, eh bien cette chanson était inspirée de Bach, de l'aria de la troisième suite pour orchestre. Eh bien je trouve que ce que l'on va écouter maintenant ressemble encore davantage à la chanson du groupe Procolarum, cette aria de la Pastorale jouée à l'orgue par Pietki. Vous allez voir, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances harmoniques. Et peut-être, d'ailleurs, cette œuvre a-t-elle été dans l'inconscient du compositeur de la chanson ? J'avais dit qu'il y avait quelque chose de la chanson de Procolarum. C'était l'aria de la Pastorale BWV 588 de Jean-Sébastien Bach, jouée par Pietki. Bon. Un peu de clarinette maintenant avec Heinrich Berman. Ah ben, les clarinettistes le connaissent bien parce que c'est le clarinettiste qui a inspiré à Karl Maria von Weber ses compositions pour clarinette. Il y a quand même deux concertos, un concertino et un quintet. Bon, c'est pas rien, hein. Et Berman était un fabuleux clarinettiste, apparemment. Il a lui-même composé un peu, mais il faut dire qu'à l'époque, au début du 19e siècle, et même bien après, il n'y avait pas de séparation entre les interprètes et les compositeurs. On peut dire que tout le monde, à un certain niveau, évidemment, de connaissances musicales, composait. Alors Heinrich Berman, on va écouter une composition de lui, évidemment, pour clarinette, un adagio pour clarinette et cordes, une œuvre qui a longtemps été attribuée faussement à Richard Wagner, c'est dire quand même qu'il y a une certaine qualité dans la composition, et on va l'écouter jouée par Jack Bremer à la clarinette, et puis l'Academy of St. Martin in the Fields est dirigée par Neville Mariner. Thank you. Le très bel adagio pour clarinette et cordes d'Heinrich Bermann avec à la clarinette Jack Bremer et l'Academy of St. Martin in the Fields et Neville Mariner. On retrouve notre rubrique des sonates pour piano de Beethoven. Aujourd'hui, la sonate numéro 19. C'est une sonate de jeunesse, vraiment de la prime jeunesse de Beethoven, tout comme la 20e d'ailleurs, mais elles ont été publiées tardivement, c'est pourquoi elles ont pris cette place numéro 19 et 20. On va écouter un extrait, le final, rondo. D'ailleurs, il n'y a que deux mouvements pour cette sonate, joué par Maurizio Pollini, extrait de sa fabuleuse intégrale chez Deutsche Grammophon. Le rondo de la 19e sonate pour piano de Beethoven, interprété par Maurizio Pollini. Et on continue avec Brahms, on a écouté tout à l'heure l'Ave Maria, très très peu connue. Voici une œuvre quand même beaucoup plus connue, même si elle ne figure pas parmi les œuvres qui viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de Brahms. C'est son trio avec cordes, composé en 1888, inspiré par de longues, longues promenades dans la forêt noire à Baden-Baden. Et une œuvre que l'on a dit peut-être inspirée aussi par la mort de la mère de Brahms, qui l'avait profondément ému, bien sûr, touché. Et donc une œuvre assez originale en soi, puisque réunir le corps et les cordes, ça n'a pas été si souvent fait. Ça a été fait par Mozart aussi. Beethoven a laissé une sonate pour corps et piano, mais enfin, bon, le répertoire chambriste pour corps n'est pas énorme. Alors voici le final, Allegro con brio, de ce trio avec corps de Brahms interprété par le Nash Ensemble. Thank you. un extrait du final du trio avec corps de Johannes Brahms avec le Nash Ensemble. Alors, un compositeur qui ne s'est pas tellement entendu avec Brahms, c'est Liszt. Pourquoi ? Eh bien, parce que Liszt ayant joué sa sonate en si devant Brahms, devant un auditoire où figurait Brahms, eh bien, on dit que Brahms se serait endormi pendant l'exécution. Bah, je sais pas si c'est vrai, enfin, c'est une légende. En tout cas, c'est vrai que ces deux-là, bon, on s'appréciait pas trop. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que Liszt était très généreux vis-à-vis de ses contemporains, vis-à-vis des musiciens, bien sûr, qu'il aida beaucoup. Donc, on s'étonne de cette inimitié, si je puis dire, envers Brahms. On va écouter une pièce très célèbre de l'abbé Liszt, puisque vous savez que Liszt avait été ordonné dans les ordres mineurs. Et on va écouter une consolation, une œuvre qui n'est pas très très célèbre de Liszt, mais que je trouve charmante, l'une des six consolations pour piano jouée par Philip Thompson. Troisième des six consolations pour piano de Franz Liszt, joué par Philip Thompson. Et on continue avec Erik Satie, mais orchestré par Debussy, sa troisième gymnopédie. Alors les deux-là n'avaient pas un caractère facile, donc pas étonnant qu'ils se soient vraiment appréciés beaucoup, puis fâchés, brouillés. En tout cas, bon, voilà, Debussy a eu cette idée un peu saugrenue d'orchestrer l'une des gymnopédies d'Erik Satie, la troisième. La voici, cette troisième gymnopédie par Debussy, joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Simon Rattle. La troisième gymnopédie d'Eric Satie, orchestrée par Claude Debussy et jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigée par Simon Rattle. Et on va terminer avec L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, le premier des trois grands ballets destinés au ballet russe de Serge de Diaghilev. Serge de Diaghilev qui était un génie, vraiment quelqu'un d'incroyable, qui avait donc monté ses ballets russes et qui a su déceler le génie de Stravinsky. Une œuvre que le public parisien de l'opéra découvrit donc en 1910 et une œuvre qui n'a évidemment pas pris une ride, merveilleuse musique de Stravinsky. On en écoute le final joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Bernard Haitink. De L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Bernard Haitink. Et bien voilà, c'est terminé pour ce matin. On se retrouve la semaine prochaine à 11h pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Passez une bonne semaine et déjà un bon dimanche. À très très bientôt, j'espère.